Alors, dans ce sens-là, que Dieu nous bénisse ce matin aussi. Et puis, l'effet qu'on a le repas du Seigneur, j'ai pensé à un sujet, à une citation de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, ce matin, on va s'arrêter à cette citation-là. On va voir toute l'implication que cette citation-là peut avoir. Avant de s'introduire dans les Écritures, j'aimerais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Courbons-nous. Seigneur Dieu, merci de la grâce, merci de la joie que tu nous fais d'être ensemble. Merci parce que c'est toi qui nous as fait un super cadeau, le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, le fruit même, qui est utilisé dans Galates, puisqu'on peut avoir la joie, la patience, la bénignité et l'amour. Et Seigneur, merci pour chacun de nous ici ce matin. Et encore une fois, on prépare nos cœurs à entendre ta parole et de se rappeler le pain et le vin. C'est vraiment quelque chose de palpable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et Seigneur, merci parce qu'il existe depuis ton départ. Alors, ça fait au-dessus de 2000 ans que de génération en génération chrétienne, on se passe ce message. Merci. Amen. Amen. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Jean, au chapitre 1. Jean, chapitre 1, verset 29. Hein? Alors, Jean, chapitre 1. Verset 29. J'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Il parle à Jean-Baptiste. Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste, venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Alors, c'est très intéressant de voir que c'est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste fait cette citation. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le premier point que j'aimerais, c'est de relier ça à l'Ancien Testament. Okay? Parce que nous, pour nous, en tant que Québécois, ça n'a pas de sens nécessairement, mais il y a un lien directement avec l'Ancien Testament au niveau des sacrifices d'agneaux. Si vous lisiez un peu, vous avez eu déjà l'occasion de vous intéresser au temple, au sacrifice, bien, c'était très important. Et puis même lorsqu'il y a eu la sortie, souvenez-vous, l'agneau pascal, lorsqu'il y a eu la sortie de l'Égypte, c'était des éléments, c'était des points très importants. Il fallait que tu connaisses l'Ancien Testament pour saisir et comprendre cela. Imaginez, là, Jean-Baptiste est là, il y a des Juifs alentour de lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour les Juifs qui étaient alentour, qui connaissaient l'Ancien Testament, ça devait être spécial quand même, celui. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi, dans le temple, on sacrifiait un agneau, au moins deux agneaux par jour, un le matin et un le soir. Imaginez, là, sur 365 jours, comment ça faisait des agneaux. Ça devait être, le sang devait couler. C'est incroyable. Et puis, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce lien-là est très important de l'Ancien Testament. Il faut voir vraiment que ça a rapport avec l'agneau qui était sacrifié justement pour enlever leur propre péché. Nous, on ne comprend pas ça. Même moi, pendant des années, j'ai été élevé catholiquement. Dans le contexte de la messe, il y a un moment où ce qu'on se frappe, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit, Roger? Mea culpa, hein, c'est ça? Puis c'est, j'ai jamais compris pourquoi on faisait ça. Hein? Mais il est clair que ça a rapport avec ce qui est ici dans l'Ancien Testament. Okay? On veut vraiment, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices justement pour enlever le péché. Mais c'était toujours temporaire. Tous ces sacrifices-là étaient temporaires. Vous savez, moi, je n'ai pas été élevé sur une ferme. Je ne sais pas, je n'ai pas connu les animaux. Je ne connais pas ça, moi, tuer des animaux. OK? J'ai essayé de tuer des poules une fois avec ma femme. OK? Parce que Marie vient d'une famille, Denis est là, ils sont habitués de tuer leurs propres animaux. Puis juste de tuer une poule, j'ai abandonné. Okay? J'avais l'impression que je la torturais plus que je la tuais. OK? Alors, vous savez, pour tuer les poules, si je ne me trompe pas, on les attache. Et puis, mon beau-père, c'était un spécialiste de la poule. Il rentrait le couteau dans la gorge de la poule pour que le sang coule. Pourquoi ça? Parce que ça prenait, pour que ça prenne du temps, pour que tant que la poule est chaude, qu'est-ce que ça fait? On peut enlever les plumes. Là, si la poule devient froide, là, c'est plus enlevable. Il faut mettre ça dans l'eau chaude. Je ne sais pas si vous avez déjà... Alors, j'ai appris comme ça. Mais j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas été capable. Ma femme, elle a terminé le travail pour moi. J'étais trop faible. Je n'ai pas été élevé. Imaginez, tous les Lévites, c'était eux qui étaient responsables de faire ça. Puis, ils fonctionnaient sur des horaires. Je ne sais pas si vous pensez, là, mais tout ça, ça devait sentir drôlement les animaux là-dedans. Je ne veux pas vous dire les mots que je peux utiliser, là, mais ils devaient sentir ça de loin même. Mais tout ça, ça avait toujours rapport avec le péché. Puis c'était toujours temporaire. Maintenant, quand que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, ça va être permanent maintenant. Et ça, c'est merveilleux. De plus en plus, on a la religion musulmane au Québec. Okay? Et la religion musulmane, elle a une fête qu'on appelle la fête du mouton. Peut-être vous ne saviez pas. Mais ils sacrifient des moutons. Ça doit être probablement des brebis. Nous, on n'est pas habitués à ça. Alors, quand ils le font au Québec, imaginez là, la protection des animaux. Là. J'ai lu un peu l'article là-dessus. Là. Ils s'en tuent des milliers, mais on n'est pas habitués à ça. Et puis, imaginez, le ministère de l'Agriculture, il est pogné là-dedans. Là. Mais pour eux, c'est religieux. Comment on va faire pour arrêter ça? Nous, on n'est pas habitués à ce genre. Ils appellent ça la boucherie à ciel ouvert. C'est juste pour vous dire que... Mais nous, dans leur pays, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va poser de questions. Mais nous, au Québec, à une date, ils appellent ça la fête du mouton. Puis là, ils sacrifient des agneaux ou des moutons. Imaginez, on n'est pas habitués à ça. Quand j'ai lu un peu là-dessus, savez-vous où est-ce que ça vient, cette fête-là des moutons? Pensez-y, là, la brebis, pour eux. OK? Eux, ils disent que ça revient tellement loin, ça revient quand? Et où? À Abraham. Souvenez-vous Abraham et Isaac? Hein? On va revenir. C'est ma citation pour ma conclusion ce matin. La citation d'Isaac. Alors, tout ça pour vous dire que cela était temporaire et qu'il y avait un lien avec l'Ancien Testament. C'est pour ça que, pour comprendre tout l'impact de Jésus étant l'agneau de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et ça, pour nous, c'est toute une révélation, je peux vous le dire. À vous penser, là, si on sent encore sur l'Ancien Testament, il faudrait aller au temple, chacun avec une petite brebis, hein, avec un petit agneau. Et puis, c'est pour ça qu'il y avait un problème, hein, juste pour terminer avec ça. C'est pour ça que les Juifs, quand ils venaient de loin, ils ne pouvaient pas amener leurs brebis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en achetaient au temple. C'était devenu une business. Puis le problème aussi avec la business, c'est qu'il fallait qu'il y ait un échange d'argent. Parce que où ce qui était, il y avait de l'argent US, puis il arrivait au temple, c'était canadien, fait qu'ils ne pouvaient pas, il fallait qu'ils fassent des transferts. Et avec le temps, des centaines d'années, c'est devenu un commerce. Alors, aujourd'hui, on est libéré de ça, vous ne trouvez pas? Hey, moi, hey, puis je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais juste de voir du sang, moi, la tête me tourne. Il y a plusieurs ici qui tomberaient sans connaissance de voir tout ce qui se passerait là, dans ce sens-là. Et je termine avec 1 Pierre, cette partie-là. 1 Pierre 1, 18, 21. Il dit, « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, que vous avez été rachetés d'une manière dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais c'est par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. » C'est très intéressant, mais le sang précieux. Ici, c'est un terme qui nous dit que c'était inestimable. Vous ne pouvez pas mettre de prix à cela. Inestimable. Et c'est par ce sang précieux-là que nous pouvons nous approcher de Dieu aujourd'hui. Deuxième point que je voulais vous partager ce matin, c'est le sang de Jésus. C'est une de ses caractéristiques du sang de Jésus, c'est que c'est puissant. Nous, on oublie ça. On prend le pain, le vin ou le jus de raisin, mais on oublie la puissance de cela. Quelqu'un a déjà dit, le sang de Jésus est plus fort que le monde nucléaire. Le sang de Jésus, c'est plus fort que du nucléaire. Ça change des vies, ça change des pays. Et le sang de Jésus est puissant. Et ça, je vais utiliser le mot puissance aujourd'hui. Parce que l'idée de prendre les éléments, souvent avec le temps, on s'habitue. Mais c'est puissant, le sang de Jésus, vous savez. J'ai identifié trois effets positifs de la puissance du sang de Jésus. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens 1, 20. Le premier effet puissant, c'est qu'à cause de sa puissance du sang de Jésus, nous pouvons vivre en paix avec notre Dieu. On peut vivre en paix avec notre Dieu. Colossiens 1, 20. Colossiens 1, 20. Verset 19 nous dit ceci, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de Jésus. » C'est quand même quelque chose, le sang de la croix. Premier effet, c'est qu'on peut vivre en paix avec notre Dieu. Cela signifie que Dieu ne peut rien contre nous. Cela signifie qu'on n'a plus d'accusation. Cela signifie qu'on n'a plus aucune condamnation. Plus de jugement. Dieu, il n'y a plus rien contre nous. C'est pas beau, ça? Il n'y a plus rien contre nous. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5 qu'avant, on était ennemis de Dieu. Nous, on oublie toutes ces choses-là avec le temps, les années. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation. On vit en paix. Puis vous savez, de vivre en paix, la paix, ce n'est pas nécessairement juste une question d'environnement. La paix, premièrement, c'est en nous. Ça commence en nous. Trouver la paix, on peut l'avoir. Mais le plus difficile, ça commence en nous. Je dirais que notre pire ennemi, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est en nous, il faut voir. On vit en paix en nous, en relation avec notre Dieu. Combien d'entre nous, puis même moi avant d'être chrétien, combien de fois je vivais de la culpabilité pour m'auto-détruire? Puis j'avais peur de la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là. Mais la mort, c'est permanent, là. Tu ne reviens pas, là. Fait que si tu as fait une erreur, c'est fini. Alors, on peut vivre en paix. Et c'est pour ça qu'on a Romains 8, 1, qui nous dit, « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. » Pas merveilleux, ça? Ça, là, c'est la vraie paix. On peut la chercher de toutes sortes de façons, mais cette paix-là, elle est là. Ce qui signifie aussi ça, ça me dépasse. C'est que Dieu a de la joie en moi. C'est que Dieu a de la joie pour moi. C'est ça, c'est quelque chose, ça. Regardez bien, Sophonie 3:17, c'est sûr qu'il parle à son peuple. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi la plus grande, de sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Souvent, on se regarde nous-mêmes et on se dit, hey, « Jésus, là, il ne doit pas nous trouver drôle. » Ou « Notre Père céleste ne doit pas jouir de ce qu'on fait. » Mais savez-vous que vous lui donnez de la joie? J'y donne de la joie. Ça, ça me dépasse. C'est au-dessus de mon entendement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, regarde, le Seigneur, regarde, ça vaut-tu vraiment la peine? Je te donne de la joie. Imaginez. On peut-tu donner de la joie à Dieu? Il me semble qu'il est tout. Hein? Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. On lui donne de la joie. Des transports d'allégresse? Ça, c'est plus que de la joie ordinaire. Imaginez, nos enfants nous donnent de la joie. Vous êtes d'accord avec ça? Quand vous avez vu vos enfants faire le premier pas, comment vous étiez? Hey, vous étiez heureux, hein? Vous ne trouvez pas? Hey, moi, j'étais content de voir qu'ils marchent. Peut-être quelques mois après, j'étais moins content. Là, tu es obligé de monter toutes les affaires là, sur les étagères, là, puis les fleurs, là, c'est malheureux, mais c'est dangereux pour eux. Hein, ça nous donne de la joie. Oui. Quand on a fêté, je me souviens, Jeannie, quand on a fêté sa première année, on y a acheté un Joe Louis. On a mis une chandelle là-dessus. Puis là, on a dit, mange-les toute seule. Puis on ne t'aidera pas. À un moment donné, on voyait juste les yeux au travers de ça. C'était tout brun. Ça donnait de la joie de voir ça. Nos enfants nous donnent de la joie. Et même quand ils sont grands, ils nous donnent de la joie aussi. C'est sûr, des fois, là, ils prennent des décisions qu'on n'appuie pas toujours. Mais ils nous donnent encore de la joie. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Je pense que je l'ai déjà dit. Ma grand-mère, elle décédait, elle avait 92, puis des fois, j'allais la visiter avec mon père. Mon père avait 70 et plus. Puis quand je regardais la relation que ma grand-mère avait avec mon père, c'était comme son enfant encore. Pourtant, mon père, il a 70 ans, là. Tu comprends? Elle lui parlait, puis ça ne change pas, là, cette relation-là. Mais Dieu, qui est le créateur de cet univers-là, il peut trouver de la joie en nous. Ça, moi, là, ça me dépasse. On peut vraiment, aujourd'hui, avoir cette relation-là avec lui, puis il dit, regarde, lui, il est heureux de nous voir. Il est heureux de voir comment on marche. Il est heureux de voir comment, des fois, on prend des fois des mauvaises décisions, mais des fois, on revient sur nos décisions. Alors, c'est le premier effet. Ça a un effet qu'on peut vivre en paix. Nous, moi, je ne connais pas ça, de vivre dans un état de guerre. Je ne connais pas ça. Mais mes frères qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'Haïti ou d'ailleurs. Je ne connais pas ça, moi, pour me coucher et dire, y a-t-il quelqu'un qui va rentrer dans ma maison? Je ne connais pas ça. Hey, longtemps, on ne barrait pas nos portes au Québec, hein? C'est pas là pour vous, là. Hey, longtemps, moi, je laissais les clés dans mon char. Tu sais, je ne barrais même pas ça. Je ne connais pas ça, moi, la guerre. Je ne connais pas ça, moi, être dans un contexte où je tremble de peur parce qu'il n'y a pas de paix. Je ne connais pas ça. Les balles perdues, je ne connais pas ça. Faire enlever mon enfant, je ne connais pas ça. Mais plusieurs de nos frères, nos sœurs dans d'autres pays connaissent ça. Tu sais, te faire sortir la nuit de ta maison, puis te faire violer, puis te faire tuer, on ne connaît pas ça. Mais la paix, nous, non, on prend ça pour acquis. Mais c'est important de vivre en paix. Puis la Bible dit, vivons en paix les uns avec les autres, puis dans notre société. Deuxième effet, et très important de réaliser, c'est l'effet que son sang est tellement puissant qu'il nous purifie de tout péché. Tournez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean, 1, 7. 1 Jean 1:7. Alors, le sang de l'agneau de Dieu est puissant. Il dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Deux éléments ici qui sont très importants, c'est la continuité. Ce qui veut dire, le mot « purifie », si vous remarquez, il n'est pas futur, « nous purifiera ». Ce n'est pas ça l'idée. C'est que c'est dans un mouvement continuel. Il nous purifie continuellement. C'est dans un mouvement. Ça, c'est merveilleux de voir ça. Ce n'est pas une fois puis c'est terminé. Mais c'est à tous les jours, à tous les moments, il nous purifie. Et dans son intégrité maintenant, tout péché. Il ne dit pas qu'il nous purifie de la moitié de nos péchés. Il ne dit pas qu'on est purifié du corps de nos péchés. Mais il dit qu'on est purifié de tous nos péchés. C'est-tu rassurant, ça? Moi, c'est rassurant. Écoutez, c'est tout un cadeau, ça, là. C'est puissant. Purifier. Le sang nous purifie. C'est sûr que ceux qui croient à la perte du salut n'ont pas la même définition du péché que nous, puis n'ont pas la même définition de l'efficacité du sang de Jésus. Ce qui nous condamne, ce n'est pas nos péchés, c'est notre nature pécheresse. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas nos actions qui nous condamnent. C'est notre nature. Un bananier donne quoi? Des bananes. Un oranger, c'est ça qu'on dit? Oranger, il donne des pommes. Je voulais juste savoir si vous me souviez. Un pommier va donner des pommes. Un pécheur, il fait quoi? Il donne quoi? Il donne des péchés. C'est ça qui nous condamne. C'est notre nature. Quand tu crois la perte du salut, c'est que tu t'accroches à l'action et non à ton ADN. Et c'est ça qui est important. Il faut que tu réalises ça. Et l'efficacité du sang, c'est que Jésus est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. C'est ça qui fait la différence. Puis dans la pratique de chaque jour, ce sang, cette puissance est utilisée pour nous purifier continuellement. J'ai rencontré des gens, je me souviens d'un vieux couple qui avait été très longtemps à l'Église catholique, puis qui faisait leur prière. Il y avait une prière qu'on faisait, là, qu'on était enseigné, c'était pour demander pardon, là, j'oublie, là, je l'avais hier, là, c'était, ah oui, la prière de la contrition. Contrition. Hein? L'acte de contrition. Non? C'est ça. C'est ça. Puis, il faisait pareil après devenir chrétien. Puis, j'ai dit, si vous l'oubliez un soir, puis vous mourrez, c'est où vous allez aller? Elle a dit, on ne va pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'arrête pas, elle ne met pas les yeux où ce qu'il faut, elle met les yeux sur les actions. Pas sur sa nature. Elle ne met pas ses yeux sur l'efficacité du sang de Jésus qui nous purifie. On a l'assurance d'aller au ciel, c'est pas parce que on est meilleur que les autres. C'est à cause de la puissance du péché, la puissance du sang, excusez-moi. C'est pour ça. C'est vrai que le péché est puissant. Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais c'est puissant le péché. C'est pour ça qu'on a besoin d'une autre puissance. Et la puissance du sang de Jésus. Troisième effet, que je dirais qui est très intéressant aussi, c'est que dans l'Apocalypse, on continue, on tourne toujours à droite, l'Apocalypse 12, c'est que la puissance du sang de Jésus a vaincu notre ennemi commun, Satan. Alors, Apocalypse 12, 11. Il dit ceci, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, puis il continue. C'est le sang. Notre ennemi commun a été vaincu par le sang de Jésus. Il faut être puissant pour vaincre notre ennemi. Ça demande une puissance incroyable. Parce qu'on a un ennemi commun. Il ne faut pas se le cacher. Et aussi, ce qu'on doit voir, je réfléchis toujours à 1 Pierre, chapitre 5, hein, il dit, le diable cherche qui va dévorer. Il est comme un lion. Il est vivant. Il existe. Maintenant, ce matin, je voulais juste vous parler d'un sujet où c'est quand même un peu glissant. OK? Alors, je m'expose un peu, mais on va voir. Dans 2 semaines, c'est la fête. C'est quelle fête qu'on a dans 2 semaines? L'Halloween. OK? L'Halloween. Vous savez, je veux vous faire réfléchir ce matin-là. Il n'y aura pas de décision là-dessus, mais vous savez, l'histoire de manger des bonbons, là, c'est pas mal en soi, ça. À se déguiser, là, c'est pas mal en soi. OK? Vous savez, puis, hey, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois, là, il y a des maquillages d'une beauté, là. Il y a de l'art, ART, là-dedans. Mais dans tout ça, comme dans n'importe quoi, il y a toujours du poison à quelque part. Puis ça, il faut être prudent. Dans cette fête-là, le poison, il est simple. On dépersonnalise Satan et les démons. On est rendu qu'on dit, c'est un bon démon. Un bon diable. On change les définitions de mots. Souvenez-vous, quand on était jeune, on écoutait la sorcière bien-aimée. Hey! Oui, je n'étais pas chrétien dans le temps, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends que je disais ça, mais je ne comprenais pas ce que je disais. Est-ce qu'une sorcière peut être bonne? Non! Est-ce qu'un sorcier peut être bon? Non! Un démon qui est bon, là, ça n'existe pas. C'est ça que je vais vous dire. Un démon qui est bon, on appelle ça un ange. C'est un ange qui est bon, pas un démon. Satan, là, il ne fait pas de bien. C'est pas vrai, ça. Vous avez entendu toutes sortes d'histoires. Les gens ont prié Satan, puis ils voulaient être riches, puis Satan leur a donné de l'argent. Mais il leur a donné quelque chose, mais pourquoi? Pour reprendre par en arrière. C'est un mauvais maître. Mais là, avec cette fête-là, ils sont en train de nous dire, « Hey, Satan, c'est un bon Jack. Il est gentil. Les démons vont vous protéger. » Les démons ne nous protègent pas. Jamais. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez, je veux que vous voyez. Puis, ils dépersonnalisent même l'enfer. C'est comme, il y a des gens là, qui font des décorations écœurantes. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Là? C'est écœurant. Mais c'est comme si l'enfer, ça va être le fun. Tu rentres là-dedans, tu vas jouer aux cartes, puis tu vas boire du whisky. C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! Alors, ce que je veux vous amener, faites attention. On n'engagera pas des détectives pour vous suivre. Là. Faites bien ce que vous voulez. Okay? Vous êtes tous... ici, des adultes vaccinés. On s'entend? Puis moi, je ne suis pas un directeur de conscience. Mais ce que je veux vous dire, faites attention. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, avec le temps, ça nous influence. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens là, qui ne croient même plus à l'enfer. Non, ils ne croient plus. C'est quand même quelque chose. Pourquoi vous pensez qu'ils ne croient plus? C'est qu'ils ne sont pas arrivés un matin et disent, « Hey, là, moi, là, un matin, je ne crois plus que l'enfer existe. » Non, ce n'est pas ça. Ça l'a glissé tranquillement. Voyez-vous? Pour dire, non, non. On est rendu comme des témoins de Jéhovah. On va être annihilés. Alors, l'ADN de Yves va être détruit et tu ne souffreras plus. Pourtant, la Bible est claire. la souffrance est éternelle. Ce n'est pas temporaire. Mais au travers de cette fête-là, ils veulent nous communiquer, là, « Ah, c'est pas grave, là, c'est juste des personnages. » Non, c'est pas vrai, ça. Satan existe vraiment. Les démons existent vraiment. Puis c'est pas des bons amis. Les sciences occultes, là, ça existe, ça. Prier, là, puis adorer Satan, ça existe. Il y a des disciples de Satan, ça existe. C'est vrai. Il répond à leurs prières. C'est puissant. Il y avait un groupe satanique dans la région de London, Ontario. Ils ont commencé à prier pour que les pasteurs tombent dans leur région. Puis malheureusement, il y en a plusieurs qui ont tombé. C'est puissant, c'est pas juste, c'est pas un comique, là. Ça existe. Mais maintenant, nous, on a l'assurance que le sang de Jésus est plus puissant que Satan et son armée. Alors, je voulais juste vous donner quelques petites réflexions. Okay? Soyez prudents avec ça. On ne s'approche pas de ça. On ne s'approche pas du satanisme. On ne s'approche pas de toute cette... Tu sais, ils sont comme en train de nous dire que le monde là, démoniaque n'existe pas. C'est pas vrai. Ça existe. Alors, ne nous faisons pas séduire par notre société. Okay? Je termine avec ça. Ce matin, si vous voulez tourner avec moi dans Genèse. Genèse. Chapitre 2. 22, c'est-à-dire, versets 7 et 8. Alors, vous vous souvenez, c'est Abraham qui part avec son fils, Isaac. Alors, Isaac, verset 7, parla à son père, Abraham. Il dit, « Mon père. » Et Abraham répondit, « Mais voici mon fils, Isaac reprit. Voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est pour ça que ce matin, c'est le même principe. On va prendre le pain et le vin pour nous rappeler justement que c'est Dieu qui a pourvu à l'agneau. Dieu a pourvu à cet agneau-là. Et ça, on doit se souvenir de ça. Et ce que j'aimerais à ce point-ci, c'est qu'on va aller dans la prière. Puis de remercions le Seigneur pour cet agneau. Que par lui, par son sang, nous avons la vie éternelle et nous avons été réconciliés avec notre Créateur. Alors, je vous invite à baisser la tête, fermer les yeux, s'il vous plaît. Prions.